Lettre 12e. Le jour de Pâques à Notre-Dame, l'archevêque, Victor Hugo, vue de Paris, l'Hôtel-Dieu, M. Jefferson. Nous avions depuis longtemps décidé en comité général que le jour de Pâques, nous entendrions la grand-messe à Notre-Dame. Je n'oublierai pas de sitôt le spectacle qui s'offrit à nous à notre entrée dans la cathédrale. On nous assurait que 10 000 personnes s'y étaient réunies ce jour-là, et ses dimensions sont si vastes que je ne doute pas de l'exactitude de ce calcul, car elle était pleine du haut en bas. L'effet de la galerie circulaire qui entoure la nef et forme comme le prolongement de la chapelle placée derrière l'autel, toute remplie de personnes bien mises, dont les rangs pressés s'élevaient en apparence jusqu'au toit, cet effet, dis-je, était magnifique. Le prix des chaises était bien plus considérable que de coutume et proportionné à l'avantage de leur position. Moyennant un franc de déboursé extraordinaire, nous obtînmes toutefois de fort bonnes places. La messe fut célébrée avec une grande splendeur. Les habits de l'archevêque et de ses prêtres étaient magnifiques, et quand ce prélat, qui a tout l'extérieur d'un prince, suivi de sa cour de chanoines et d'ecclésiastiques, traversa processionnellement l'église, la foule s'entr'ouvrant à son approche, on eût dit une rivière d'or se frayant un passage malgré tous les obstacles. L'archevêque est un homme qui a l'air fort doux et fort aimable. Il ne cessait de répandre des bénédictions, de la bouche et de la main, sur le peuple au milieu duquel il passait avec une démarche lente et gracieuse. Les dernières années de la vie de ce prélat ont été signalées par des vicissitudes remarquables. Il a vu son roi se faire une occupation de prédilection des cérémonies et des pénitences de son église. Il a vu ce roi et les plus illustres seigneurs de sa cour marcher en procession dans les rues de Paris. Il a vu ce même roi proscrit et renversé de son trône. Et les pompes de sa religion n'osant plus offusquer les yeux du peuple dans les rues et sur les places. Il a vu son palais consacré rasé jusqu'à ses fondements et ses éléments éparpillés au vent. Et maintenant, ce même prélat se voit de nouveau bien reçu à la cour d'où Charles X a été banni, et ce qui est peut-être plus étrange encore, il voit son troupeau, naguère effrayé, se rassembler de nouveau autour de lui, tranquille et silencieux, mais avec constance et fermeté, tandis que le pasteur, qui, il y a à peine 5 ans, tremblait pour sa vie, lève de nouveau la tête, non seulement en sûreté, mais encore avec tout son ancien pouvoir et toute son ancienne influence. À la vérité, on ne rencontre plus de processions catholiques dans les rues de Paris. Mais si nous entrons dans les églises, nous reconnaissons que la splendeur qui s'y concentre n'a rien perdu de sa puissance en changeant de théâtre. L'office du jour de Pâques, du moins pour ce qui regarde la musique, m'a paru infiniment moins touchant que celui du Vendredi Saint à Saint-Roch. Cela provenait sans doute principalement du style de la composition. Mais je soupçonne en outre que mon imagination fut démontée par la vue d'environ 50 joueurs de violon que je jugeais, avec raison, faire partie de l'orchestre de l'opéra et qui étaient placés dans une enceinte formée pour eux au milieu du chœur. Les chanteurs et les enfants de chœur étaient aussi placés de cette manière inusitée et peu ecclésiastique, et quoique dans le nombre il y en eut plusieurs qui avaient de fort belles voix italiennes, comme en général ils avaient tous l'air de chanter sans lire les paroles, mon oreille et mon imagination furent également désappointés. La description faite par Victor Hugo du vieux Paris, vu du haut des tours de Notre-Dame, nous décida à braver la fatigue d'y monter. L'état de l'atmosphère était très favorable, et je reconnus avec plaisir que, quoique l'usage du charbon de terre comme combustible se soit fort étendu depuis quelque temps dans cette capitale, il n'a pas encore suffisamment obscurci la pureté de l'air pour empêcher qu'on ne distingue toutes les parties de ce magnifique panorama jusqu'à l'horizon le plus éloigné. Cette masse impénétrable de fumée triste et brune que nous contemplons toutes les fois que le malin démon de la curiosité nous fait monter au sommet d'un de nos dômes, tours ou obélisques, ne manque jamais de nous faire regretter amèrement chaque pas que nous avons perdu pour y arriver. Mais il faut réellement être harassé de fatigue pour se plaindre quand on jette les regards sur la brillante, chaude et mouvante miniature qui s'étend à nos pieds du haut des tours de Notre-Dame. Quel monde de toits se croise en tous sens, et combien sont mystérieux et incompréhensibles les ruelles, les ponts et les îles de la paresseuse Seine. un bateau portant du bois ou du vin que l'on aperçoit par intervalles, une buanderie flottante avec sa rangée de naïades accroupies, ressemblant à un jouet d'enfant garni de petites figures de bois, et quelques établissements de bains clairsemés, telle est toute l'utilité que semble retirer de ce fleuve la magnifique capitale qui a eu l'étrange idée de s'étendre le long de ses rives. Quand on songe à la forêt de mâts qui, à Londres, couvre une étendue de plusieurs milles, on ne conçoit pas comment ce qui paraît nécessaire aux besoins d'une grande ville peut être si complètement inutile à ceux d'une autre. Le tableau peint par Victor Hugo de la scène qu'il a imaginée sous les tours de Notre-Dame, à l'époque où vivait son Esmeralda, est tracé avec une vigueur étonnante, quoique, selon toute apparence, le joli panorama qu'il nous présente ne ressemble pas plus à Paris qu'à Tombouctou. Je désirais de tout mon cœur qu'il voulût se borner à peindre la nature inanimée et faire tous ses personnages avec d'innocentes pierres de taille. Car quoique ses descriptions aient quelque chose de vague et d'incertain, il se rapproche infiniment plus de la nature et de la vérité que ce que l'on rencontre dans les images qu'il trace de ses semblables. Sa description de la vieille église est délicieuse. Il ne faut pourtant pas y chercher une réalité architectonique, ni une grande fidélité dans les contours, mais il y a, malgré cela, un si grand air de vérité dans tout ce qu'il dit à son sujet, que quand on la parcourt, on regarde chaque pierre, on étudie tous les angles, arcs-boutants et parapets, avec tout l'intérêt d'anciennes connaissances. Je voudrais trouver un récit aussi attachant et aussi détaillé dans ses descriptions, composé à l'occasion d'une de nos belles et mystérieuses cathédrales gothiques. Ce genre de lecture procure un plaisir dans lequel l'imagination et la réalité se mêlent de la façon la plus heureuse, et je ne connais rien de plus agréable que de suivre un habile chroniqueur en haut et en bas, au dehors et au dedans, à travers le dédale des tristes, sombres, bizarres et saints passages d'un semblable édifice. Winchester, par exemple, avec ses cryptes majestueux, sa solide force saxonne, ses ossements royaux, enfermés dans des cercueils de formes si singulières, ses hôtels gothiques, sa splendeur monumentale et sa vaste et noble étendue, fourniraient, ce me semble, d'amples matériaux pour un récit touchant et terrible. Après avoir passé une heure à errer avec un intérêt toujours croissant à l'intérieur et autour de cette superbe église, nous traversâmes la place pour voir le célèbre hôpital de l'Hôtel-Dieu. Il est fort vaste, très propre, aéré et bien disposé sous tous les rapports. Je n'ai jamais vu de malade avoir l'air moins malheureux que tous ces hommes et ces femmes, confortablement couchés dans de jolis petits lits bien bordés, chacun d'eux ayant à son chevet un ami ou un parent pour les consoler ou les amuser. L'entrée des salles de cet édifice est aussi libre que celle d'un bazar public. Une seule cérémonie a lieu avant qu'un étranger puisse y être admis, et dont j'eus quelque peine à comprendre le motif avant qu'on me l'eût expliqué. Au haut d'un beau perron qui conduit à l'édifice, on trouve trois portes. Celle du milieu ne sert que pour sortir. Aux deux autres sont placées deux surveillants, dont l'un est un homme et l'autre une femme. Toutes les personnes qui entrent sont obligées de passer par une de ces deux portes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ils y subissent un examen assez sévère, afin de s'assurer qu'elles ne portent aux malades rien à manger ou à boire qui puisse leur être nuisible. Le pont couvert, qui, partant des derrières de l'Hôtel-Dieu, réunit l'île de la Cité à la rive gauche de la Seine, et qui a un toit vitré d'une construction légère et gracieuse, offre une promenade délicieuse aux convalescents qui s'y trouvent à l'abri du vent, de la poussière et de toute interruption. Nous passâmes cette soirée dans une maison où, parmi d'autres personnes fort aimables, nous vîmes un Américain, homme d'esprit et de très bonne manière. J'eus avec lui une longue conversation, dans le cours de laquelle il me dit plusieurs choses que j'écoutais avec plaisir et intérêt. Il a rempli plusieurs places distinguées dans la diplomatie. Il y a acquis une instruction variée, et a en outre profondément réfléchi sur les institutions et le caractère de sa patrie. Il m'a dit que Jefferson avait été l'ami de sa jeunesse, et ajouter qu'il connaissait les sentiments et les opinions de cet homme d'État à fond et beaucoup mieux que ne pouvaient les connaître ceux qui ne le jugeaient que d'après ses écrits. Il m'assurait très positivement que Jefferson n'était pas démocrate par principe, mais qu'il croyait utile de promulguer cette doctrine comme la seule qui peut faire naître de l'union dans le peuple et animer ses efforts jusqu'au moment où il aurait pris assez de force pour être compté au nombre des nations. D'après mon autorité, les espérances que Jefferson nourrissait pour l'Amérique étaient qu'après avoir acquis cette force, elle donnerait naissance à des hommes, distingués à la fois par le talent et la fortune, qui fonderaient une aristocratie éclairée et puissante, sans laquelle il savait qu'aucun peuple ne pouvait être réellement grand et fort. Certain de pouvoir compter sur la parole de la personne qui m'a donné ces détails sur Jefferson, j'ai pensé qu'il méritait de trouver place dans ma correspondance.